Son horreur, tu dis si tu pars et douteux. Belle Renard dans la coupe, j'ai mon père est en semi-auto. PDG vient du rouleur, croix sur le carrelage, deux sur la moto. J'suis sur la photo, aussi vrai que mes potos. On n'attend rien du loto, entravé dans des roseaux. Ma crédulité bute ma raison, y'a 3 kilowatts au réseau. J'fris, j'mets le 12 dans les taux. J'le découpe un vin, demain on va se lever tôt. Sont passés dans le veto, dérober les métaux, bitches ferme tes rideaux. Et puis j'ai pas le temps, plus petit j'ai les dents. Ouais, plus petit j'ai les dents. J'aurais jamais dû leur accorder de temps. Mais y'a des gens que je mets de trop. J'fais des pas et bien j'tourne en rond. Remercie ma putain d'étoile si j'm'en tire avant. Que mon heure tienne et qu'il tire dans mon. Dans son regret sans piquer. Mais j'regrette pas la vie que j'ai. Oui, c'est la vie si j'me fais shooter en bracelet homé. Sonny, on s'arrache les trophées meurtres. J'ai voiture dans la brume. Mais rentrer au sort ton hyper plus poteau dans des écrans de fumée. T'es la vie, j'vois mes refrains, tes refrains pour le kilo s'allumer. Rien de dramatique si j'me fais shooter en face les homies. Sonnet, on s'arrache les trophées, meurs jeune en voiture dans la brume. Rentrer au sort, on y perd des poteaux dans des écrans de fumée. Oh, t'es la vie, j'vois mes refrains, tes refrains pour le kilo s'allumer. Rien de dramatique si j'me fais shooter en face les homies. Jeune autonome, fais la fraîche en binôme. Cuit sur le banc tout l'hiver. On finit par s'enrhumer. Des portefeuilles vides pour des gars énormes. Chrome sur chrome, pas par ruiné. Bébé, si je crève, moi encore. Et que même la mort ne nous sépare pas. Faudra viser les teutés. Ce soir, j'ai mon pare-balles. J'suis venu, j'ai fondu leur projet. J'ai reçu, j'ai rendu les crochets. Rentre dans ta maison quand t'es couché. Tout en va pas voler les fauchés. Pédale à ce fort est avec nous. J'crois qu'on pourrait soulever les rochers. On y traîne depuis petit, sans y voir le danger. On craint pas les képis, on craint de revoir maman Riquet. Dilaté maritime, y'a mon sang sur ton rinté. J'ai compris la chagra ça paye, j'ai compris si chacun sa paye. Rapport à aux qualités, j'ai compris si chacun sa paye. Elle rap ça, pas toi l'inquiétez pas. T'as la tchat ou les guépas. La coupe ou la fleur de rêve. J'fais des balles, viens j'tourne en rond. Remercie ma putain d'étoile si j'm'en tire avant. Mon air tienne et qui tire dans mon. Dans son regret sans piqué. Mais j'regrette pas la vie que j'ai. Oui c'est la vie si j'me fais shooter en bracelet homé.